Grandet, par Georges Baum. C'était un joli petit âne d'Afrique, tout gris, tout rondelet, bien connu dans la plaine de l'Hérault et même un peu dans les Cévennes. On le rencontrait toujours sur les routes, traînant sa carriole chargée de linge et de corbeilles, que le grand-père Combal allait vendre au village. Et toujours il y avait avec eux, montée sur le devant de la carriole, la petite Frosine, qui tenait le fouet et les guides. Mais elle se gardait bien de battre Grandet. Elle lui parlait avec des caresses et le laissait marcher à sa fantaisie. On arrivait quelquefois en retard, quand le soleil était gros et que déjà les autres marchands s'étaient empressés de choisir les meilleures places sur le marché. Le grand-père cheminait près de l'âne, fredonnant des chansons, admirant sa petite fille, le plus souvent la tête basse, se remémorant tout le passé, l'aisance d'autrefois et les malheurs récents et si vifs qu'ils semblaient d'hier. Autrefois, Combal possédait une vieille ferme de son père au bord de l'Hérault. Une nuit, l'inondation avait tout emporté. C'est par miracle qu'ils s'étaient sauvés avec la petite. Ils avaient eu le temps de grimper dans une barque tandis que les parents de Frosine disparaissaient dans les flots avec les murs. À présent, il ne restait là-bas que des décombres et un grand trou envahi par l'eau dans son champ de vigne. Le plus riche du pays lui avait prêté une masure à Combal sur la route du cimetière. On lui faisait crédit dans les magasins de la ville où chaque semaine il ramassait quelques marchandises, surtout celles passées de mode, que Frosine, pour les faire valoir, arrangeait dans des corbeilles avec des prix alléchants indiqués sur des morceaux de papier. Grandet lui aussi avait connu la ferme. Il regrettait souvent le bien-être de son écurie et les longues flâneries dans l'herbe au bord de l'eau. Pendant la nuit affreuse, dès les premiers grondements de l'inondation, il avait eu peur et s'était échappé. On l'avait retrouvé le lendemain, couché dans la boue, tout effarouché, près de la masure, comme s'il avait pressenti que bientôt il vivrait là, avec le grand-père et Frosine. On les aimait dans le faubourg. Ils vivaient chez eux sans rien demander. Du reste, personne n'eût offert la moindre aumône à Combal, qui avait de l'orgueil. Ils vivaient un peu dans le silence parce qu'ils pensaient toujours aux disparus. Leur seule joie, c'est d'aller les matins de repos au cimetière prier sur la tombe de famille. Au cimetière, ils rencontraient parfois un jeune homme, Pierre Maffre, dont la maison touchait leur masure. Cela les gênait, ils s'éloignaient alors, la main dans la main, en regardant le ciel vaste au loin vers la rivière. Pierre était orphelin, bien qu'à peu près de l'âge de Frosine, il n'osait lui parler. C'est qu'il avait du bien au soleil, deux longues vignes sur le coteau, outre la grande maison où il logeait, moyennant quelques sous, les bêtes et les charrettes des villageois qui venaient à la ville pour affaires. Cependant, il avait bien envie de connaître le vieux Combal et sa petite fille. Leur malheur ressemblait un peu au sien. Il était seul, comme eux. Il n'était qu'un enfant auprès du grand-père. Seulement, il n'avait plus de hardiesse devant la demoiselle, et cela l'étonnait. Un jour, au cimetière, il les rencontra brusquement à un détour. Il fut bien obligé de les saluer. Cela le remplit de joie d'avoir eu ce courage. Quand il eut disparu, le grand-père interrogea Frosine. « Quel est ce jeune homme ?»« Notre voisin. »« Je ne l'avais pas encore remarqué. Comment s'appelle-t-il »« Pierre. Il est orphelin. Il a de l'aisance. » Le grand-père courba la tête en songeant. Il eut l'idée que les deux enfants étaient du même âge et que ce serait juste pour Frosine d'avoir une maison aussi et un peu de bien comme Pierre. Mais cette pensée le rendit confus, et pour se sauver d'une mauvaise inspiration, il saisit la main de Frosine et l'entraîna d'un pas alerte. Celle-ci l'épiait avec inquiétude. « Pierre ne t'a jamais parlé ? » demanda-t-il. « Non. » Malgré lui, il ajouta, « Pierre devait beaucoup aimer ses parents. Il me paraît malheureux et bon. » Pendant quelques jours, on ne parla plus de Pierre. Mais après s'être informé sur son compte dans le voisinage, Combal eut une émotion d'espoir, sans trop comprendre. Il évita Pierre et surveilla Frosine. Frosine n'éprouvait aucun embarras, ne changeait rien à ses habitudes. Du reste, on avait bien assez à faire contre la misère. Le commerce ne marchait pas. Il y avait trop de marchands. Puis les paysans se déshabituaient d'acheter devant leurs portes et préféraient venir acheter la ville. Chez Pierre, dans l'écurie et sur la route, on voyait chaque jour de longues rangées de charrettes et de voitures. Il devait gagner beaucoup d'argent. « Nous serions excusables de l'envier, » dit un soir le grand-père à Frosine. C'était un soir d'hiver. Il pleuvait. Dans la masure veillait une courte lampe à huile, dont la clarté ondulait faiblement sur les murs énormes. Un feu de branches ramassé par les routes crépitait dans l'âtre, et tout près, Combal et sa nièce achevaient leur repas, assis sur des pierres. Là-bas, sous l'escalier vermoulu, Grandet avait l'air de dormir ou de rêver. Nous ne sommes pas heureux, dit Combal. Nous ne vendons plus guère, et nous avons besoin d'argent. Nous avons des mandats à payer. On nous fera crédit. Non, il ne faut pas. Il faudrait payer un jour ou l'autre, et nous aurions trop à donner d'une seule fois. Alors j'ai une idée. Mais il s'interrompit, les yeux fixés sur le feu, les mains tremblantes, il se mit à pleurer. Il s'abîma dans une douleur tout désespérée et colère, le front entre les mains. Qu'as-tu, père? Qu'as-tu? Frosine s'empressa pour le consoler. Elle le prit dans ses bras et elle pleurait aussi. Elle était adorable, comme une lumière d'aube, pure comme les sources de montagne. Elle était toute la vie pour lui. Ému de la voir si belle, de sentir qu'elle l'aimait lui seul, il se mit à sourire en l'admirant. Elle, doucement, le baisa sur le front, parmi ses rides et ses cheveux blancs. Puis la tristesse redescendit sur eux. Mais l'amour, la jeunesse de Frosine, faisait du bien au grand-père, comme de respirer le grand air des campagnes. L'âne, ayant retourné sa longue tête grise, les observait. « Puisqu'il nous faut de l'argent, dit le vieux, nous irons à la foire vendre Grandet. »« Vendre Grandet? Mais oui. Qu'est-ce que nous deviendrons? Ne pensons pas à l'avenir, petite. Fions-nous au bon Dieu, la terre est grande, tout le monde peut y vivre. » Vendre Grandet? Quelle désolation! Grandet leur rappelait le temps d'autrefois où l'on riait, et la ferme, et les bons parents, et le joli soleil qui réchauffait le bosquet et la vigne, pendant que la rivière chantait sous les roseaux. Frosine s'écarta lentement de son grand-père et recommença de pleurer bien fort. Un silence tomba. On entendait la pluie sur la route contre les murs. Cela semblait la misère éternelle. « Que veux-tu ? » dit le vieux. « Je traînerai la carriole moi-même. »« Je t'aiderai, » dit Frosine, consolée, se reprochant déjà d'avoir fait de la peine à son grand-père. Elle se leva avec courage pour montrer qu'elle était raisonnable et forte. Grandet les observait patiemment. Ses gros yeux, qui brillaient dans l'ombre comme de l'eau noire, semblaient implorer. Frosine s'approcha de lui, il se laissa caresser, il leva vers elle ses naseaux humides. Le lendemain, elle ne put se contenir d'apprendre au voisinage qu'ils allaient vendre Grandet. Elle aurait voulu le placer dans le faubourg, mais tout le monde avait des bêtes et Combal ne pouvait pas attendre. Alors, quelques semaines après, ils s'en allèrent à la foire de Florensac. L'âne traînait la carriole pour la dernière fois. Ce matin, les routes étaient blanches, toute la plaine scintillait. Au loin, les collines étaient bleues dans une vapeur d'encens. Un vaste silence planait. Des paysans labouraient partout. Combal en reconnaissait quelques-uns, çà et là. Mais, habitué au ciel ouvert devant eux comme un jardin riant de lumière, et sans émotion au milieu des campagnes, ils ne se retournaient point. Combal les enviait. Ils marchaient toujours en balançant les bras à côté des brancards. Cette fois, il lui semblait qu'ils marcheraient ainsi longtemps, indéfiniment, sous le petit soleil, à travers la terre rayonnante et solitaire, dont il écoutait le murmure éternel. Grandet le suivait de son pas régulier, tantôt appointant ses oreilles quand on rencontrait une maison ou une charrette, tantôt baissant la tête avec mélancolie. Il ne se doutait pas, le pauvre, qu'on allait le vendre à la foire et qu'il ne reverrait plus sa petite maîtresse. Celle-ci ne parlait pas aujourd'hui, elle ne plaisantait plus Grandet. La route dura 2 heures, par des collines toutes pareilles. Avant d'entrer au village, il fallut traverser un ruisseau et Grandet s'arrêta au milieu. Frosine le laissait faire. Il s'amusait à remuer ses sabots, à troubler l'onde dans les herbes. Il trempa longuement ses naseaux sans boire. Puis, guilleret, il se mit à courir un peu, aspirant le soleil et le parfum des arbres qui bordent la route. Combal, derrière la carriole, avait peine à suivre et, malgré lui, il eut de la gaieté en voyant son âne si gentil, si jeune encore et qui ne soupçonnait rien. Déjà on entendait les bruits de la foire. La foule s'agitait sur la place autour de la croix de fer qui s'érige en face du portail de l'église. Combal remisa la carriole dans la première auberge. Ensuite emmena Grandet parmi les autres bêtes, le long d'un mur. Grandet suivait de mauvaise humeur, très surpris, lui qui n'avait pas l'habitude de fréquenter les bêtes et qui toujours passait les heures sur une litière où Frosine lui servait de l'avoine. Pourtant, il fallut obéir. Frosine le poussait avec ses petites mains qui avaient peur de lui faire du mal. Il ne comprenait pas du tout. Alors il se mit à braire, et comme il avait une voix très forte, on l'entendit sur toute la place. Le grand-père et Frosine restèrent près de lui jalousement. Il les regardait de plus en plus surpris, en se serrant contre son maître avec inquiétude. Alentour allait et venait le monde, des hommes la plupart, de riches propriétaires qui portaient de grosses cannes et qu'accompagnaient leurs fermiers endimanchés. Les bêtes qui s'ennuyaient à l'ombre du grand mur, s'épiaient sournoisement, se donnaient des coups de pied pendant que les maîtres les relâchaient un peu. Elles reluisaient ce matin, étriées et harnachées, les sabots cirés. Quelques-unes étaient recouvertes de vieux manteaux. Mais il y avait surtout des ânes, énormes et noirs, velus comme des chèvres, les côtes saillantes, avec de longues oreilles qui flottaient ainsi que des manches. Il baissait la tête, un peu ahuri, inattentif au tumulte des marchandages, plongés en eux-mêmes dans quelques visions. Ils ne bougeaient pas lorsque les paysans les examinaient et de leurs rudes mains tapaient sur eux comme sur des pierres. Bientôt, un paysan remarqua Grandet. C'était un rustre trapu en blouse et en sabots. Il s'approcha familièrement, bouscula la bête contre le mur, lui ouvrit les naseaux, et se retournant vers le père Combal, il l'interpella. « Combien, ta bête ?»« Je ne sais pas. Elle est très douce et très brave. »« Combien ? Je t'en donne 50 francs. Ça ne vaut pas plus. C'est gringalet. » Frosine s'appuyait doucement sur Grandet pour le protéger. Combal, humilié, honteux de vendre son pauvre Grandet, ne savait pas le faire valoir, et pourtant ne voulait pas paraître le céder sans protestation. « Jamais à 50 francs, dit-il. « Tant pis. » Leur vendeur s'éloigna, en crachant avec un geste de mépris, mais il revint brusquement. « J'en donne 60. Apprends droit à laisser. » Combal considéra sa bête avec pitié. Il lui tardait d'en finir, de ne plus penser à ce malheur. Frosine serrait la tête de Grandet contre elle et se penchait sur ses oreilles. Il avait l'air de sommeiller tranquillement, mais il ouvrit largement ses paupières. Il changea de place quand elle s'écarta et que l'homme de nouveau voulut l'examiner. « Ça y est, » dit enfin le rustre, « voilà ton argent. » Combal tendit ses deux mains calleuses où les pièces blanches coulèrent l'une après l'autre. Puis, les ayant serrées dans son mouchoir, il déguerpit sans regarder l'âne, sans remarquer seulement si Frosine l'accompagnait. Il frissonnait comme s'il eut froid. Le bruit de la foire lui semblait une rumeur de marée lointaine. L'homme entraînait Grandet qui se faisait tirer, qui se raidissait et retournait la tête. Même tellement il souffrait de chagrin, Grandet ne pouvait pas braire, et les paysans riaient de sa méchante nature. Frosine se désolait, les mains sur le visage, comme une petite fille. Intimidée devant le monde, elle s'essuya les yeux et s'enfuit lentement rejoindre son grand-père à l'auberge. « Allons-nous-en, » dit celui-ci, et tous deux s'en allèrent dans un village vendant leurs étoffes. Frosine marchait, malgré les prières du vieux, qui aurait voulu la porter sur la carriole comme Grandet. Pauvre Grandet, on ne le verrait plus. En quelles mains tomberait-il? Est-ce qu'on le battrait, lui, si laborieux et si doux? Une fois, il avait fait 40 kilomètres par un temps d'orage, sans se plaindre, sans être malade. Il devait bien souffrir de cette séparation. Que devait-il s'imaginer? Oui, pauvre Grandet était encore le plus malheureux. « Allons, n'y pensons plus, » dit Combal, faisant le brave. La journée ne fut pas mauvaise. Ils vendirent bien leurs étoffes. C'était une compensation tout de même. Mais pendant quelques jours, ils n'eurent pas le courage de sortir. Frosine s'occupa, sur le seuil de la masure, à ravauder les habits de son grand-père. Celui-ci s'égarait dans la campagne, cherchait des salades et des escargots. Alors Pierre se mit à rôder autour de Frosine. Il lui dit bonjour d'abord. Il s'approcha, avec des airs de mystère, et Frosine instinctivement se retourna vers le fond de la masure où Grandet dormait autrefois. Elle était seule. Pierre n'eut pas du tout le courage de lui parler. Cependant, un énorme secret le tourmentait. Un bonheur profond passait en lui comme un vent de soleil. C'est qu'il avait Grandet. Il le possédait dans son écurie contre le mur mitoyen de la masure et il n'osait pas le montrer. Oui, l'autre jour, il avait appris que Combal allait vendre son âne à la foire et il était parti en cachette pour l'acheter. Puis il l'avait ramené à la ville pendant que Frosine et son grand-père traînaient la carriole par les routes. Grandet était troublé, avec la peur de tout. Il dormait mal, mangeait peu, bien que sa crèche fût garnie à merveille et qu'il n'eût qu'à rêver du matin au soir. Derrière la maison s'étendait un terrain abandonné, encombré de verdure, clos par de très hautes murailles, et qui servait autrefois de jardin. Grandet finit par s'y plaire, se roulant dans les herbes, admirant les murs impassibles. Là, bientôt, il eut la méfiance qu'on n'était pas loin de la masure. Il lui sembla reconnaître le ciel, l'odeur du paysage, les bruits d'alentour, et il s'attrista davantage. Pourtant Pierre craignit de commettre une mauvaise action en dissimulant davantage qu'il possédait Grandet. Un matin donc, il aborda hardiment Frosine qui balayait le devant de sa masure. « Nous aurons une belle journée, » soupira-t-il. Frosine contempla les lointains lumineux et répondit « Les arbres ont des feuilles, la terre redevient belle. » Ils se turent dans le silence des choses. Frosine allait rentrer. Pierre se rapprocha de nouveau. « Vous n'allez plus souvent au village ?» dit-il. « Non, nous n'avons plus Grandet. Si on vous le rendait ? Hélas, qui sait où il mourra ? Il n'est pas loin. » Frosine rougit comme un coquelicot. Elle s'avança contre Pierre, une main tendue avec imploration pour le toucher presque. « Il est chez moi, » reprit-il. « Mais oui, je l'ai acheté à la foire de Florensac, au revendeur. »« Vous l'avez acheté ? Pourquoi faire ? Pour vous faire plaisir. Moi, je suis toujours seul. Il faut bien que je pense aux autres. Et vous, Frosine, je vous vois tous les jours. Alors j'ai voulu vous procurer une surprise et me donner de l'amitié auprès de vous. Je n'osais pas, je n'osais jamais vous parler. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai du courage, à cause de Grandet. » Frosine doutait encore. Tout cela la troublait au point de la faire pleurer. Ses cheveux fins luisaient comme de l'herbe sous la rosée. Son visage était doux et ému comme l'image d'une sainte pauvre dans le soleil. « Je veux voir Grandet, » s'écria-t-elle. « Non, vous ne pouvez pas venir chez moi toute seule. Votre grand-père vous gronderait. Mon grand-père est dans la campagne. Alors, avec lui, je viendrai chez vous ?»« Oui, le plus tôt possible. » Ils se séparèrent lentement, attendris l'un et l'autre. Pierre s'enferma dans son écurie, derrière la porte, et occupé à brosser des couvertures de chevaux, il attendit. On frappa bientôt. À la voix de Combal et de Frosine, il ouvrit tout grand les deux battants de l'écurie. Le père semblait maugréer avec l'ennui de paraître demander quelque chose. « Venez, » dit Pierre, qui avait la vanité d'être le plus fort. Il les amena au jardin, où Grandet se roulait dans l'herbe au fond. Dès qu'il entendit grincer la porte, Grandet se souleva un peu, mais reconnaissant son maître et sa petite amie, il se dressa d'un bond et accourut. Il secouait la tête avec fierté, se frottait contre son maître, puis tout d'un coup il se mit à braire. On fut obligé de le calmer. « Grandet vous appartient, » dit tristement le père Combal. « Nous aurons au moins le plaisir de le voir. »« Il est à moi, mais à vous aussi, je vous le prête. »« Impossible, » répliqua l'orgueilleux Combal. Mais presque en même temps, Frosine s'écriait « Moi je le veux !» Alors Combal, entre les deux enfants, ne sut plus que faire. Il caressa la bête, comme s'il eût voulu lui parler. Un silence doux tressaillit. « Pierre viendra chez nous, » dit Frosine. Elle tendit la main à Pierre qui s'avança. Le vieux comprit que les deux enfants étaient heureux d'être ensemble, et déjà, s'humiliant devant leur tendresse, il s'abandonna aux aveux. « Nous sommes pauvres, » gémit-il. « Je suis seul, » répondit Pierre. « Il y a si longtemps que je désirais être avec vous, grand-père. » « Je ne dis pas, mais tout ça n'est peut-être pas bien correct devant le monde. Mes parents étaient si bons, ils vous auraient recherché aussi. Voulez-vous que je sois l'ami de Frosine ?» Pendant qu'il parlait, l'âne s'était sauvé. Il jouait dans l'herbe, les pattes en l'air. « Est-ce que vous vous étiez concerté ?» demanda le vieux. Les deux enfants dirent non d'un signe de tête, en souriant. Ils ne comprenaient pas bien. Tout cela était pur et plein d'amour. « Allons-nous-en, » dit le vieux, sans conclure. Mais l'âne s'est élevé pour le suivre. Lorsque le grand-père et Frosine eurent disparu, Pierre leur reconduisit Grandet à la masure. L'heureuse bête courut vite dans son coin, se pelotonna avec force contre la muraille, de peur qu'on ne la fît sortir. Le vieux résistait encore, honteux d'être secouru comme un mendiant, mais Pierre se rapprocha de lui et conta toute son aventure. « Vous ne voulez pas être mon grand-père aussi ?» Combal ôta ses mains du visage et dit « Brave enfant, tu te fais aimer malgré tout. » Pierre se retourna vers Frosine, qui était là, suppliante. Il lui prit les mains doucement. Le blond soleil entrait dans le foyer. « Tout ça, c'est du miracle !» murmura le vieux. Il ramassa les fleurs cueillies le matin dans les champs, puis invita Pierre. « Viens-tu avec nous ?»« Oui, je viens. » Et tous trois, sans fermer la porte, se rendirent au cimetière. D'abord, ils allèrent prier sur la tombe des parents de Frosine, puis sur la tombe des parents de Pierre. À leur retour, Grandet s'était échappé. Grandet rôdait dans le large fossé, le long des buissons, les naseaux au soleil, épiant les bêtes qui passaient. Mais ils l'attelèrent à la carriole, et comme ils trouvaient tout agréable, ils sautillaient avec espièglerie. Regardaient les buissons et les arbres du nouveau chemin. On allait tous ensemble à la vigne de Pierre. Le vieux Combal, marchant toujours seul à côté de son âne, suivait avec peine. Seulement, il avait la joie d'entendre rire sur la carriole les deux enfants qui ne voulaient plus se quitter. Ainsi s'achève Grandet de Georges Baume.